Chapitre 20e. À Mademoiselle Thérèse Chamberlain, rue de Courcelles, Paris. Bois de Vincennes, 21 septembre 1870. Ma chère cousine, ce brave Denisot a-t-il pu, selon sa promesse, se mettre en route pour nous chercher? Je n'en sais rien, mais ce qu'il y a de certain, c'est que nous ne l'avons pas vu. À cela, il n'y a rien d'étonnant, car depuis notre départ de Paris, nous ne sommes guère restés en place, et avec le désarroi qui règne partout, je comprends très bien qu'il lui a été impossible de nous trouver. S'il a couru après nous, le pauvre garçon doit être bien fatigué, car nous n'avons pas eu le temps de nous arrêter, et c'est là ce qui vous expliquera que je ne vous ai pas encore donné de nos nouvelles. Tout d'abord, soyez rassurés, ces nouvelles, pour ceux qui vous intéressez, sont aussi bonnes que possible. Votre père, Michel et moi-même, nous allons bien. Je profite d'un moment de repos pour vous écrire cette lettre, comptant sur un heureux hasard, à défaut de Denisot, pour vous la faire parvenir. Je dois vous dire, tout d'abord, que je suis très satisfait de la tenue de mes camarades. Je crois que ce sont de braves gens, et que Michel ainsi que mon oncle ont fait de bons choix. Ça a été, je vous l'avoue, avec une certaine inquiétude que j'ai abordé notre bataillon, me demandant comment des hommes réunis depuis si peu de temps allaient débuter dans la carrière militaire. Heureusement, il y a parmi nous un certain nombre de vieux soldats, et ceux de nos hommes qui n'ont pas servi se modèlent sur ceux qui ont passé par le régiment. Cela a été sensible pour moi dès la première heure de notre réunion. Mon oncle a eu la bonne idée de me faire incorporer dans sa compagnie. Lorsque nous nous sommes alignés, j'ai voulu tout naturellement me placer près de lui. Mais mon oncle m'a donné un voisin qui n'avait jamais tenu un fusil entre ses mains et qui n'avait jamais marché au pas. De l'autre côté, j'avais un second voisin dans le même cas. Si bien que, quand nous nous sommes mis en marche, ceux qui ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire ont pris exemple sur ceux qui savaient manœuvrer. Pour mon compte, j'étais flanqué de deux voisins qui répétaient de leur mieux tous mes mouvements. Je crois que si je m'étais mouché d'une certaine manière, ils se seraient mouchés comme moi. Quant à Michel, qui a été soldat, il est parfaitement à son aise à la tête de son bataillon, et il nous commande comme s'il n'avait fait que cela toute sa vie, d'une bonne voix résonnante que tout le monde entend, avec un air calme et résolu qui doit donner du courage à ceux dont le cœur bat un peu trop vite. Je crois que nous avons en lui un excellent commandant, et je suis heureux de vous le dire après l'avoir vu à l'œuvre. Nous avons aussi six bons clairons qui savent sonner et qui font du bruit comme s'ils étaient 15. Aussi, bien commandés, bien enlevés par nos clairons, nous n'avons pas trop mal défilé, et ceux qui étaient sur les trottoirs pour nous voir monter le faubourg Saint-Antoine n'ont pas dû avoir trop mauvaise opinion de nous. Ce qu'on disait, je n'en sais rien, mais l'on ne se moquait pas, ce qui est beaucoup avec des Parisiens. Où allions-nous, je l'ignorais. On nous arrêta au milieu du bois de Vincennes, où l'on nous fit faire halte à côté d'autres troupes arrivées là avant nous. Pendant la première heure, on ne dit rien. On était bien aise de se reposer. Et bien que la course ne soit pas longue de la Bastille à la pyramide de Vincennes, il y avait plusieurs de nos hommes qui, n'étant pas habitués au sac et au fusil, éprouvaient déjà une certaine lassitude et n'étaient pas fâchés de faire halte. Mais la halte se prolongeant, on commença à murmurer. Est-ce qu'on allait rester là? Pourquoi ne nous conduisait-on pas au-devant des Prussiens? C'était pour arrêter les Prussiens qu'on s'était mis en route, et non pour venir se promener dans le bois de Vincennes. Je commençais à voir que ce n'était pas seulement par les jambes et par les bras, que mes camarades n'étaient pas des soldats. Mais ce qui avait été murmure, tout d'abord, se changea en clameur quand l'ordre vint de nous établir dans des baraques élevées sur ce terrain. Ce n'était pas la peine de quitter Paris. Notre commandant, c'est Michel que je désigne et désignerai désormais ainsi, me fit appeler. Je le trouvai dans une petite baraque avec deux de nos capitaines auprès de lui et mon oncle. C'était une sorte de conseil de guerre qu'il s'agissait. Le commandant me dit que, voulant mettre à profit mon expérience de la guerre, il me priait d'assister à la réunion et de donner franchement mon avis. Il avait été trouvé le général sous les ordres duquel nous étions placés, et il lui avait demandé quelles étaient ses intentions à notre égard. Le général l'avait interrogé, et en apprenant comment et depuis quand nous étions organisés, il lui avait répondu que ce que nous avions de mieux à faire, c'était de rester aussi longtemps que possible dans ce campement pour nous exercer. À cette communication, je répondis que le général me paraissait sage, et que c'était vraiment folie d'envoyer au-devant de l'ennemi des gens dont plusieurs ne savaient même pas tenir un fusil, qu'il fallait, pour former des soldats, exercer non seulement leurs bras et leurs jambes, mais encore leur morale, qu'il n'était pas naturel de marcher contre des canons qui vomissaient la mort ou de se tenir immobile sous une pluie d'obus, qu'on n'arrive à cela que par une éducation progressive. On me laissa terminer mon discours, mais je vis qu'il avait produit le plus mauvais effet sur les deux capitaines, qui se demandaient assurément si j'avais fait cet apprentissage des obus et si je n'étais pas un colonel en chambre ou d'antichambre. Mon oncle me soutint, le commandant parut hésitant. Mais finalement, les deux capitaines l'emportèrent en disant que rien ne serait plus mauvais pour le moral de nos hommes que d'arrêter notre élan. Il fut donc décidé que le commandant et les deux capitaines retourneraient auprès du général et insisteraient pour qu'on nous employât aussitôt que possible d'une façon active. En attendant, je fus désigné par le sort pour remplir les fonctions de cuisinier et je ne m'en acquittais pas trop mal, si j'en juge par les compliments de mes camarades. Il y avait autrefois dans la vie militaire un moment désagréable pour certaines personnes. C'était celui du repas, quand il fallait plonger sa cuillère dans la gamelle commune. Heureusement, nous avons chacun notre gamelle et nous pouvons manger notre soupe plus ou moins proprement, sans porter préjudice à l'appétit de notre voisin. Manger, dormir, marcher, se battre. L'existence du soldat en campagne tient dans ces quatre mots. Nous avions mangé, nous n'avions plus qu'à dormir. Au moins, je le croyais. Et c'était une tâche assez difficile pour des gens qui étaient habitués à passer la nuit dans leur lit et qui se trouvaient couchés sur des planches ou sur la terre. Il en est de dormir comme de marcher ou de se battre. Il faut un apprentissage. On dormait tant bien que mal, plutôt mal que bien, quand on nous réveilla. Il fallait partir. Le général avait consenti à employer tout de suite notre élan. On charge les armes, nous voilà en marche, il est 2 heures du matin. Où allons-nous? Un colonel a le droit de poser une pareille question. Un soldat va où ses chefs le conduisent. Cependant mon oncle, qui reçoit les confidences de notre commandant, m'apprend que dans la journée des éclaireurs à cheval, exécutant une reconnaissance, ont eu un engagement avec des hussards prussiens et qu'on nous envoie fouiller le terrain compris entre la Marne et la Seine. Mes camarades sont heureux de marcher au feu. Pour moi, je ne suis nullement rassuré. Que va-t-il se passer si nous sommes salués par un coup de fusil et un seul? Il fait nuit. Le silence remplit le bois, troublé seulement par le bruit de nos pas. Dans l'obscurité, les arbres prennent des formes fantastiques. Je sais par expérience ce que sont les effarements de l'ombre. Nous avançons en assez bon ordre et après avoir traversé le village de Charenton, nous passons la Marne. Au loin, l'on aperçoit les lumières de Paris. Ce signe de vie rend la parole à ceux qui, depuis le départ, gardaient un silence plein de réflexion. Mais le pont est bien vite passé, et de nouveau nous entrons dans l'ombre et dans le silence. Nous avons avec nous 2 compagnies de ligne. Pendant qu'elles suivent la grande route, nous tournons à gauche et nous prenons des chemins qui longent la Marne. Nous avançons lentement. On parle peu et à voix basse. Il semble que la Marne était la frontière et que la rivière passée, nous sommes en pays ennemi. En réalité, ne pouvons-nous pas, d'un instant à l'autre, nous trouver en présence de cet ennemi? Jusqu'au matin, nous continuons d'avancer, mais sans faire beaucoup de route. Les yeux tâchent de percer l'obscurité. On s'arrête pour écouter. On ne voit rien, on n'entend rien. Pas une fenêtre qui s'ouvre sur notre passage. Pas un chien qui nous salue de ses aboiements, pas un coq qui chante. On est dans le pays des morts. Les maisons, les étables sont désertes. Jean et Bête, tout a fui devant l'invasion. On frappe aux portes, personne ne répond. Où sont les Prussiens? Cependant, une lueur blanche emplit le ciel du côté de l'Orient. C'est le jour qui va venir. Mais la lumière douteuse du matin donne aux choses qui nous entourent des formes encore plus capricieuses qu'elles n'en avaient dans la nuit. Un léger brouillard flotte sur les buissons, les grandit et les anime. Un coup de fusil éclate brusquement dans le silence. Il est aussitôt suivi d'une fusillade à peu près générale. Qui a tiré? Sur qui a-t-on tiré? On n'en sait rien. Et chacun tire parce qu'il a entendu tirer, droit devant lui, sans viser. On charge et on décharge son fusil avec frénésie. On ne recule pas. Il est vrai que personne ne tombe et l'on tire toujours. Au bout de quelques minutes, les officiers, allant d'homme en homme, font entendre leur voix et parviennent à arrêter le feu. On se regarde. Personne n'est mort, personne n'est blessé. On s'explique. Et l'on trouve celui qui a tiré le premier. Il a tiré parce qu'il avait un hulan qu'il ajustait. Il est sûr de l'avoir touché. Le hulan est tombé à la renverse. On cherche le hulan à l'endroit où il a dû tomber et l'on trouve un gros saule percé de balles. Tout le monde, bien entendu, ne croit pas au saule. Sans doute il y a un saule frappé de balles, mais derrière ce saule, il y avait un hulan. Et ceux qui ont tiré avec conviction cherchent aussi avec conviction leur hulan. Mais cette fausse alerte n'a rien de grave. En réalité, personne ne s'est sauvé, et dans des circonstances pareilles, j'ai vu des hommes, plus vieux soldats que nous ne sommes, leurs coups de fusil tirés, jeter leurs armes pour courir plus vite. On n'a pas jeté ses armes, on est resté en place. Cela me donne bon espoir pour l'avenir. Nous nous remettons en marche. Le jour se lève et nous montre la plaine déserte. Pas de Prussiens, pas de Français non plus. Nous sommes les seuls êtres vivants dans ces riches campagnes hier pleines de mouvements et d'activités. Après avoir longtemps côtoyé la rivière, nous nous rapprochons de la grande route et rejoignons une des compagnies de ligne avec laquelle nous arrivons à un plateau d'où la vue s'étend au loin sur une vaste plaine que ferme, à une assez grande distance, des collines boisées. Ce plateau est celui de Montmélie. Ces collines sont celles de Boissy-Saint-Léger. Nos regards s'étendent jusqu'à ces collines et nous n'apercevons pas d'ennemis. Mais sur la route qui court devant nous, nous voyons des voitures, des charrettes et des groupes de gens qui se dirigent en toute hâte vers Paris. Les chevaux galopent, les gens marchent à grands pas. « Les voilà !» crient les gens de la première voiture qui passe. Et ils fouettent leur cheval sans vouloir s'arrêter. Ils sont affolés et perdus par la peur. On barre la route et on arrête de force la charrette qui suit. Il faut que, bon gré mal gré, les gens qui y sont entassés répondent. « Les Prussiens ont couché à Boissy-Saint-Léger, ils arrivent !» Et le cheval repart au galop. Cependant, un brave homme, qui ne se hâtait pas trop et qui marchait chargé d'un panier dans lequel il portait des pots de fleurs qu'il rentrait à Paris, veut bien causer un peu plus longuement. En nous apercevant, il laisse même paraître un geste de satisfaction. « À la bonne heure, mes enfants » dit-il au soldat de la ligne. Je vois donc des pantalons rouges. Ça réjouit le cœur. Les Prussiens me suivent. Ils ont couché cette nuit, au nombre de 50 au moins, dans ma petite maison, brisant tout, dévastant tout. Je n'ai pu sauver que ces pots de fleurs. Arrêtez-les. Vous êtes en bonne position. Tapez dessus. Mais nous n'avions pas l'ordre, sans doute, de taper dessus car nous reprîmes la route que nous venions de parcourir. Ce fut seulement quelques heures plus tard que cet ordre nous arriva. Après avoir marché en avant, puis marché en revenant sur nos pas, on nous fit de nouveau marcher en avant pour éclairer une colonne qui voulait tenter une reconnaissance offensive. Cette fois, l'heure de la bataille avait vraiment sonné, et ce n'était plus contre des saules qu'il fallait tirer. Comment allaient se comporter nos camarades? Arrivés sur les hauteurs que nous venions de quitter quelques heures auparavant, nous trouvâmes un grand changement dans cette plaine qui nous avait paru déserte. Au milieu des bouquets d'arbres, sur la route et dans la plaine, on aperçoit confusément des troupes d'infanterie dispersées çà et là, des batteries d'artillerie galopant à travers les champs, et la cavalerie, qui marchait en tête, se replie sur le corps d'armée qu'elle précédait. Placés sur un terrain qui s'en allait en descendant, nous aurions été dans une admirable position pour voir le combat, mais nous avions autre chose à faire qu'à voir. Bientôt, une batterie d'artillerie vint prendre position, derrière nous et ouvre le feu. Des bois qui nous foncent vis-à-vis, au-delà de la plaine, les Prussiens répondent. Les obus passent et sifflent par-dessus nos têtes. La fusillade s'engage entre les tirailleurs. Et les tirailleurs étaient nous parmi lesquels se trouvaient des gens qui n'avaient jamais entendu les obus siffler et qui avaient tiré leur premier coup de fusil dans la nuit même sur notre fameux saule. Il faut avouer qu'il se produisit un certain effarement, et un obus ayant éclaté à une vingtaine de mètres devant nous, plus d'un se jeta à terre. Mais notre commandant était resté debout. « Allons, mes amis, ce n'est rien » cria-t-il. D'autres aussi, parmi lesquels se trouvait mon oncle, n'avaient pas baissé la tête et ils excitaient ceux qui avaient été surpris. Un autre obus éclata derrière nous à courte portée, cependant sans tuer ni blesser personne. Mais à la guerre, rien n'est plus fâcheux qu'un bruit qui vous surprend par derrière. Et l'on peut presque dire que le soldat qui tourne la tête pour voir ce qui lui arrive dans le dos est à moitié démoralisé. S'il y avait eu un moment d'émotion au premier obus, il y eut une panique au second. Par bonheur, un long mur se trouvait là, derrière lequel ceux qui avaient les nerfs trop fortement ébranlés purent se mettre à l'abri. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler de la lâcheté, mais de la surprise. Ce que j'avais craint, hélas, se réalisait. On avait voulu marcher au feu, sans savoir ce que c'était que le feu. Notre commandant, quelques officiers, votre père, coururent à eux. Pendant ce temps, la position devenait critique, car l'ennemi, s'apercevant que les tirailleurs avaient lâché pied, pouvait marcher sur l'artillerie. Un soutien nous fut envoyé, et peu à peu nos camarades revinrent prendre leur place. Leurs mouvements nerveux étaient calmés. Ils revenaient un peu honteux, mais résolus cette fois. Jusqu'à la fin de l'engagement, c'est-à-dire pendant près de 2 heures, nous gardâmes notre position. Je ne saurais vous dire, ma chère Thérèse, combien je suis heureux de cette première expérience. Nos hommes sont de braves gens qui deviendront de bons soldats, et en cours 2 ou 3 épreuves pareilles, et ils ne baisseront pas plus la tête que ne l'ont baissé notre commandant et votre père. Il paraît que le but que se proposaient nos généraux n'était pas d'arrêter le passage de l'ennemi. Ce qui, laissez-moi vous le dire, est bien regrettable, car en engageant plus de troupes, on aurait, je crois, obtenu ce résultat d'une importance capitale. On nous donna l'ordre de battre en retraite, et à 6 heures du soir, nous reprenions notre campement dans le bois de Vincennes. Tel a été notre premier combat, duquel ceux que vous aimez sont sortis sains et saufs. Notre bataillon n'a eu que 5 blessés que j'aurais bien voulu vous envoyer. Mais cela m'a été impossible car je n'avais pas le temps de m'occuper du service d'ambulance. Si j'avais quitté le feu, n'aurait-on pas pu dire justement que je n'avais pas fait mon apprentissage des obus? Le lendemain de cette expédition, nous avons été envoyés à Joinville, où nous nous sommes établis dans les jardins qui bordent la Marne, et dans la journée, nous avons échangé des coups de fusil avec l'ennemi par-dessus la rivière. Cette fois, il n'est pas venu tomber d'obus devant ou derrière nous, et tout s'est très bien passé. D'ailleurs, abrités derrière des murs, nos hommes étaient dans les meilleures conditions pour s'aguerrir au feu, et ils ont conservé tout leur calme, s'appliquant à tirer de leur mieux. Dans la nuit d'hier, nous avons fait une petite expédition le long de la Marne, et après une fusillade assez vive, mais peu dangereuse, car on tirait au hasard, faisant plus de bruit que de mal, nous avons obligé l'ennemi à abandonner son poste et à repasser rapidement la rivière. C'était votre père qui nous guidait. Et comme il connaît admirablement cette contrée qu'il a parcourue si souvent la nuit, nous n'avions pas à craindre de nous égarer. On peut dire que c'est à lui que revient le succès de cette expédition. Nous voici maintenant revenus à notre campement, d'où je vous écris cette longue lettre. Allons-nous y rester ? On nous dit qu'il est question de faire entrer toutes les troupes dans Paris. Est-ce possible? On craint, paraît-il, une attaque de vie forte sur ce plateau de Vincennes, où l'ennemi aurait grand intérêt à s'établir. Et comme on a peu confiance en nous, nous et les autres troupes, on pense à nous faire replier sur Paris, abandonnant ainsi les redoutes de Gravel et de la Faisanderie, qui ne sont pas encore armées. Je ne peux croire que nos généraux soient si prudents, et j'espère quand même qu'on nous permettra de nous défendre, alors que la défense est si facile et que la retraite aurait des conséquences si désastreuses. Envoyez-nous donc Denisot sur le plateau de Vincennes et avec un peu de persévérance, il a chance de nous trouver là ou dans les environs. Je ne saurais vous dire combien je suis impatient d'avoir de vos nouvelles, et je serai vivement reconnaissant à Denisot de tout ce qu'il entreprendra pour calmer cette impatience. Il faut se rendre à l'appel, et malgré tout je dois vous quitter. Je ne peux plus ajouter qu'un mot. C'est pour vous assurer de la tendre affection de votre ami, de votre cousin, Édouard Chamberlain.